Ézéchiel chapitre 27. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant. Toi donc, fils d'homme, prononce à haute voix une complainte sur Tyr. Et dis à Tyr, toi qui demeures aux avenues de la mer, qui fais métier de revendre au peuple en plusieurs îles, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, Tyr, tu as dit, je suis parfait en beauté. Tes confins sont au cœur de la mer, ceux qui t'ont bâti, t'ont rendu parfaite en beauté. Ils t'ont bâti tous les côtés des navires de sapin de Senir, ils ont pris les cèdres du Liban pour te faire des mâts. Ils ont fait tes rames de chêne de Bazan, et la troupe des Assyriens a fait tes bandes d'ivoire, à portée des îles de Chittim. Le fin lin d'Égypte, travaillé en broderie, a été ce que tu étendais pour te servir de voile, ce dont tu te couvrais, c'était la pourpre l'écarlate des îles d'Élisa. Les habitants de Sidon et d'Arva ont été tes matelots, ô Tyr, tes sages qui étaient au-dedans de toi, ont été tes pilotes. Les anciens de Gébal, et ses hommes experts, ont été parmi toi, réparant tes brèches. Tous les navires de la mer, et leurs mariniers, ont été au-dedans de toi, pour trafiquer avec toi de ton trafic. Ceux de Perse, et de Lu, et de Pu, ont été au-dedans de toi pour être tes gens de guerre, ils ont pendu chez toi le bouclier et le casque, ils t'ont rendu magnifique. Les enfants d'Arba, avec tes troupes, ont été sur tes murailles tout alentour, et ceux de Gama ont été dans tes tours, ils ont pendu leurs boucliers sur tes murailles alentour, ils ont achevé de te rendre parfaite en beauté. Ceux de Tarsi ont trafiqué avec toi de toutes sortes de richesses, faisant valoir tes foires en argent, en fer, en étain et en plomb. Javan, Tubal et Mézec ont été tes facteurs, faisant valoir ton commerce en hommes, et en vaisseaux d'airain. Ceux de la maison de Togarma, ont fait valoir tes foires en chevaux, et en cavaliers, et en mulets. Les enfants de Dédan ont été tes facteurs, tu avais en ta main le commerce de plusieurs îles, et on t'a rendu en échange des dents d'ivoire, et de l'ébène. La Syrie a trafiqué avec toi en quantité d'ouvrages faits pour toi, on a fait valoir tes foires en escarboucles, en écarlate, en broderie, en fin lin, en corail, et en agate. Juda et le pays d'Israël ont été tes facteurs, faisant valoir ton commerce en blé de minit et de panna, en miel, en huile et en baume. Damas a trafiqué avec toi en quantité d'ouvrages faits pour toi, en toutes sortes de richesses, en vin d'Elbon, et en laine blanche. Éden, et Javan, et Moselle, ont fait valoir tes foires en fer luisant, la casse et le roseau aromatique ont été dans ton commerce. Ceux de Dédan ont été tes facteurs en draps précieux pour les chariots. Les Arabes, et tous les principaux de Kédar, ont été des marchands que tu avais en ta main, trafiquant avec toi en agneaux, en moutons et en boucs. Les marchands de Séba et de Rama ont été tes facteurs, faisant valoir tes foires en toutes sortes de drogues les plus exquises, et en toutes sortes de pierres précieuses, et en or. Haran, Ekané, et Edan, ont fait trafic de ce qui venait de Séba, et la Syrie a appris ton trafic. Ceux-ci ont été tes facteurs en toutes sortes de choses, en draps de pourpre et de broderie, et en des caisses pour des vêtements précieux, en cordons en tortillets, même les coffres de cèdre ont été dans ton trafic. Les navires de Tarsi t'ont célébré dans leurs chansons à cause de ton commerce, et tu as été rempli et rendu fort glorieuse, bâti au cœur de la mer. Tes matelots t'ont amené en de gros seaux, le vent d'Orient t'a brisé au cœur de la mer. Tes richesses et tes foires, ton commerce, tes mariniers, et tes pilotes, ceux qui réparaient tes brèches, et ceux qui avaient le soin de ton commerce, tous tes gens de guerre qui étaient au-dedans de toi, et toute ta multitude qui est au milieu de toi, tomberont dans le cœur de la mer au jour de ta ruine. Les faubourgs trembleront au bruit du cri de tes pilotes. Et tous ceux qui manient la rame descendront de leur navire, les mariniers, et tous les pilotes de la mer, ils se tiendront sur la terre. Et feront ouïr sur toi leur voix, et crieront amèrement, ils jetteront de la poudre sur leur tête, et se vautreront dans la cendre. Ils arracheront leurs cheveux, et rendront leur tête chauve à cause de toi, ils se ceindront de sacs, et te pleureront avec amertume d'esprit, en menant deuil amèrement. Et ils prononceront à haute voix sur toi une complainte dans leur lamentation, et feront leur complainte sur toi, en disant, qui fut jamais tel que Tyr, telle que celle qui a été détruite au cœur de la mer? Tu as rassasié plusieurs peuples par la traite des marchandises, qu'on apportait de tes foires au-delà des mers, Et tu as enrichi les rois de la terre par la grandeur de tes richesses et de ton commerce. Mais quand tu as été brisé par la mer au fond des eaux, ton commerce et toute ta multitude sont tombés avec toi. Tous les habitants des îles ont été désolés à cause de toi, et leurs rois ont été horriblement épouvantés, et leur visage en a pâli. Les marchands d'entre les peuples t'ont insulté, tu es cause qu'on est tout étonné de ce que tu ne seras plus à jamais.